بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. إن شاء الله بإذن الله commencer par expliquer الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه selon Émir al-Mu'minin, le prince des croyants, Abu Hafs, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qala. Il a dit, « Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, « Innama al-a'malu bin niyat, wa innama li kulli mri'in ma nawa. » Il a dit, « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, « Chaque acte ne vaut que par son intention, que par les intentions, et chaque intention, chaque acte sera rétribué selon l'intention qu'il y a mis. فَمَنْ كَانَتْ هِجَرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجَرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ Celui qui a mis l'intention d'immigrer vers Allah et son messager, alors son immigration vers Allah et son messager lui sera comptée comme telle. وَمَنْ كَانَتْ هِجَرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Quant à celui qui a émigré pour un bien de ce bas monde ou bien pour prendre une femme en épouse afin de se marier avec elle, alors son immigration lui sera comptée selon l'intention qu'il y a mis. Avant d'expliquer le hadith comme il se doit, bi'idhnillahi ta'ala, min aqwal ulama, avec la parole de nos savants, rahimahumullah, wa hafidhahumullah, on peut mentionner certains points ou certains mots qui sont dans ce hadith et que l'on doit expliquer afin de bien comprendre la suite de l'explication. Premièrement, Amir al-Mu'minin. Il n'y a pas quelqu'un avant Omar al-Mukhattab, radiallahu ta'ala, anhu, qui a porté ce nom, qui est le prince des croyants. Wa huwa Abu Hafs, an Emir al-Mu'minin Abi Hafs. Il est aussi important de mentionner Abu Hafs, la kunya, ce surnom qui était une tradition chez les pieux prédécesseurs, d'avoir un surnom que l'on nomme en général par Abu ou bien Ummu pour une femme. Mais il n'y a pas de mal à choisir d'autres termes, comme par exemple Ibnu ou Bint. Il n'y a pas de mal à cela. Et ce qui est connu chez la tradition de Salaf ou Salah, des pieux prédécesseurs, c'est que on utilise le terme Abu pour un homme, suivi du nom de l'aîné chez ses enfants. Si son fils aîné s'appelait Abdullah, alors on disait Abu Abdillah. Hein? Si sa fille s'appelait Aisha, alors on disait Abu Aisha, en général avec l'aîné. Mais n'est pas forcément obligatoire, n'est pas obligatoire que dans cette kunya, on trouve Abu plus le. On n'est pas forcé d'avoir des enfants. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant plus s'appeler et avoir une kunya telle que Abu Muhammad, Abu Abdillah ou autre. Et on a l'exemple de Aisha, radiallahu ta'ala anha, qui n'avait pas d'enfant, qui s'appelait pourtant Umm Abdillah. Ou bien, ce que l'on peut avoir aussi comme kunya, c'est Ibnu. Hein, Ibnu Abdillah, le fils de Abdullah. Il n'y a pas de mal à cela. Ici, la kunya de Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, est Abu Hafs. Hafs qui est le lion. Pourquoi le lion ? Puisque le lion est un animal qui est connu pour sa dureté, pour être respecté. Et Omar al-Muqattab, radiallahu ta'ala anhu, était connu pour sa rigueur dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a mentionné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit que le plus miséricordieux des miséricordieux dans ma communauté, c'est Abu Bakr Sadiq. Et le plus dur dans ma communauté, c'est-à-dire le plus dur, le plus rigoureux, c'est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu. Il s'appelle aussi Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab. Il a dit, Sami'tu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah. Cela signifie qu'il l'a entendu directement de la bouche du messager d'Allah et qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre lui et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le plus haut degré dans le hadith qui est authentifié. C'est que c'est directement un compagnon qui est ici Omar, qui l'entend directement de la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir c'est quoi en ce qui concerne la parole du prophète sallam, innama al-a'malu bin-niyyat, chaque acte ne vaut que par ses intentions. Et le but, l'intention, c'est le but recherché. Beaucoup de gens se posent la question lorsque tu lui dis c'est quoi ton intention, il te dit c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que... Quelquefois, c'est... les gens ne comprennent pas le véritable sens de l'intention, puisque certains croient même qu'ils doivent mentionner cette intention par la bouche, par la langue. Or, l'intention, al-niyya, al-irada, c'est ce que tu veux, ce que tu souhaites, le but que tu recherches. Voilà ce qu'est l'intention. Puis le messager d'Allah, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a employé un terme qui est al-hijra. Lorsqu'il a mentionné « كانت هجرته إلى الله ورسوله » فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. Al-hijra, qui est في اللغة العربية, dans la langue arabe, le fait de délaisser quelque chose. Dans la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela signifie de délaisser une interdiction. De délaisser une interdiction. Donc voilà quelques mots qu'il était important d'expliquer avant de commencer l'explication et de rentrer directement dans le ma'na, le sens qu'a voulu dire le messager d'Allah alayhi salatu wassalam par sa parole. Il a mentionné ici innama al-a'malu bin-niyyat wa innama li kulli mar'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Chaque acte ne vaut que par ses intentions. Et chacun sera rétribué selon l'intention qu'il a mise. Avoir une bonne intention, c'est que tu mettes ton intention, comme on l'a mentionné, c'est le but recherché, ce que tu souhaites, ce que tu veux. C'est d'avoir l'intention de ne chercher que la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'avoir cette sincérité entière, que le cœur entier soit tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme disaient les pieux prédécesseurs, c'est que tu ne cherches pour ton acte aucun témoin si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala seul. Wa an-niyya, lorsqu'on a demandé à l'imam Ahmed comment est-ce qu'on met l'intention, où est-ce qu'elle est cette intention, comment on ressent cette intention, il a dit an-niyyatu fil qalb. L'intention elle est dans le cœur, elle se trouve dans le cœur, c'est ce que tu souhaites, le but recherché. Qu'est-ce que ton cœur cherche? Est-ce que ton cœur est tourné vers Allah? Est-ce qu'il est tourné vers un autre qu'Allah? Ou est-ce qu'il est tourné vers Allah et un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala? Or, seule la première est correcte, lorsque le cœur, en toute sincérité, n'est tourné que vers son Seigneur, Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a mentionné, comme l'a mentionné l'imam Ahmed, rahimallah, comme on vient de le dire, cette intention ne se prononce pas par la bouche. Cette intention, elle est directement dans le cœur, c'est ta volonté, c'est ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de mentionner l'acte que tu veux faire. Par exemple, si tu vas à la mosquée, tu n'as pas besoin de dire « Bismillah, je vais à la mosquée » ou bien « Bismillah, je vais faire salat al-dhuhr » ou bien « Bismillah, je vais faire salat al-asr ». Là, tu n'as pas besoin de cela. Tout ce que tu as, c'est mettre l'intention, c'est ce que tu veux, ce que tu souhaites. Cette intention va aussi permettre de différencier les actions entre elles. Est-ce que ton intention, c'est de faire le bien ou est-ce que c'est de faire le mal? Si ton intention c'est de faire le bien, Là, l'intention va encore permettre de différencier les adorations entre elles. On n'a pas la même intention lorsqu'on veut faire un acte obligatoire et un acte qui n'est pas obligatoire. Si tu veux faire salat al-dhuhr, ce n'est pas la même intention que salat al-asr. Donc permettre de différencier les actions obligatoires entre elles, mais en plus permettre de différencier ce qui est obligatoire et ce qui n'est pas obligatoire. Si tu mets l'intention pour salat al-dhuhr, ce n'est pas la même intention que salat al-asr. Comme ce n'est pas la même intention pour salat al-isha, par exemple, et pour salat al-witr. Sachant que salat al-isha c'est une prière obligatoire, et salat al-witr c'est une prière, comme on dit, sunna muakkada. C'est une sunna qui est fortement recommandée, mais qui n'a pas atteint le degré de l'obligation comme les cinq prières obligatoires. Il en est de même pour le jeûne. Tu n'as pas la même intention lorsque tu jeûnes le mois de Ramadan, qui est un jeûne obligatoire, que lorsque tu vas jeûner, par exemple, le lundi ou le jeudi, qui eux ne sont pas obligatoires. Il faut savoir une chose aussi, c'est que les bonnes actions, les bonnes intentions ne vont qu'avec les bonnes actions. Comme disaient les pieux prédécesseurs comme Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, qui mentionnait combien de gens veulent atteindre le bien, veulent le bien, mais ils ne l'atteindront jamais. Vouloir faire de bonnes choses, c'est très bien, tant que ton intention elle est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce hadith-là, lui tout seul, ne peut suffire et on ne peut le séparer d'un autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'une autre tradition, lorsqu'il a mentionné Man amila amalan laysa alayhi amruna, fahuwa rad. Celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements, elle sera rejetée. Mardoud, indallah azza wa jal. La chose, elle est rejetée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ces deux hadiths, ces deux hadiths ne peuvent pas se différencier. On ne peut pas prendre un en disant je vais faire le bien, mais ce que tu fais, ton intention c'est vrai, elle est bonne, mais ce que tu fais c'est pas bien. Et l'autre, chacun il fait une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais elle n'est pas conforme au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc elle sera rejetée. Donc la première, ton intention, faut qu'elle soit pour Allah, mais deuxièmement, ce qui est indissociable, c'est que ton action soit conforme au livre d'Allah et à la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Voilà pourquoi ici le prophète a mentionné, chaque acte ne vaut que par son intention et chacun sera rétribué selon l'intention qu'il a mise. Comme ici il a mentionné, il a donné l'exemple de l'hijra. Celui qui émigre pour Allah et son prophète, sallam, il a la meilleure des récompenses et c'est la meilleure des hijras. Quand on dit hijratu ilallah wa rasuli, l'intention elle est pour Allah, d'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasulihi, pour son messager, c'est d'être conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui fait ça, c'est qu'il a sauvegardé sa religion, sa sincérité. Et ça, c'est la meilleure des hijras. C'est la meilleure émigration. C'est qu'il a sauvegardé, il a voulu sauvegarder sa religion et tout ça pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et deuxièmement, selon le suivi et l'obéissance au prophète, alayhi salatu wassalam. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, a mentionné juste après, « فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا » Quant à celui qui émigre pour un bien, pour un commerce, pour acquérir quelques richesses ou autre chose de ce bas monde, ou bien pour épouser une femme. Hein, il émigre, il fait l'immigration, il va dans un autre pays pour aller se marier par exemple. Celui-ci a la récompense de l'intention qu'il y a mis. Mais en aucun cas, celui qui a émigré pour un bien de ce bas monde ou bien pour se marier avec une femme n'a l'équivalent de celui qui a voulu sauvegarder sa religion et qui a émigré pour Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Chacun est rétribué selon l'intention qu'il y a mis. Donc on voit bien ici l'importance d'avoir une intention saine, claire. Et comme disaient les pieux prédécesseurs, comme Abdullah ibn Mubarak, radiallahu anhu, combien de grandes actions ont été diminuées par l'intention, et combien de petites actions ont été agrandies grâce à l'intention. Est-ce que toi, lorsque tu fais une bonne action, ton intention elle n'est que pour Allah, même si ton action elle est petite? Ton intention, si elle est pour Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala va multiplier la récompense. Mais si ton acte est grandiose, hein, tu fais une grande action, une grande ibadah, mais que cette chose-là que tu fais, elle est pour un autre qu'Allah, en vérité. Et qu'en vérité, au fond de toi, tu ne recherches que la satisfaction des gens. Alors sache que ton acte, il sera annulé. Ou bien rabaissé si dans une partie de ton adoration, ton intention a changé. Donc chaque croyant et croyante doit rester sur ses gardes. Il doit être comme une citadelle, de ne pas baisser sa garde devant Shaitan qui va essayer de changer ton intention. Même si ta niya elle est bonne au début, il va venir, il va essayer de te waswas, il va essayer de te changer ton intention. Et là, tu dois rester sur tes gardes et te conformer à ce hadith qui est très important du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est tellement important que l'imam Shafi'i rahimahullah disait, celui qui veut écrire un livre, qu'il commence par ce hadith. Innamal a'malu binniyat. Chaque acte ne vaut que par son intention. Et si tu regardes bien, c'est ce qu'a fait l'imam Bukhari rahimahullah. Sahih al-Bukhari, le livre le plus authentique après le Coran, puisque ce sont les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été authentifiés par l'imam Bukhari rahimahullah, qui est un ouvrage que tout musulman connaît, a commencé son sahih, l'authenticité de ces hadiths apportés par l'imam Bukhari rahimahullah, par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en est de même pour l'imam Nawawi, qui a commencé Riyad Salihin ou bi Arba'in Nawawiya, les 40 hadiths que tout le monde connaît, walillah alhamd, par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, on espère bi'iznillahi ta'ala qu'ils l'ont appliqué, eux les premiers, puisque ce sont de grands savants. Et on sait très bien, comme Allah tabaraka ta'ala a mentionné, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. Et comme disait Cheikh Ibn al-Uthaymin rahimahullah, en ce qui concerne l'imam Nawawi rahimahullah, Il disait que l'une des preuves, incha'Allah, de la sincérité de cet homme-là, de l'imam Nawawi, lorsqu'il a écrit Riyad Salihin, le jardin des vertueux, subhanallah, l'une des preuves, c'est qu'on le trouve dans toutes les mosquées et dans chaque maison des musulmans, subhanallah. Ce qui prouverait sa sincérité, bi'iznillahi ta'ala, incha'Allah. Donc, chaque musulman et chaque musulmane doit faire tout son possible pour suivre ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un fondement dans la religion et dans la croyance du musulman, et qu'il devance tout autre hadith du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, car il commence par la base qui est cette sincérité d'avoir une bonne intention et qu'elle soit tournée seulement vers Allah subhanahu wa ta'ala seul, car il est le seul digne d'être adoré et nul autre en dehors de lui n'est digne de recevoir cette intention, cette sincérité, car seul Allah tabaraka wa ta'ala est digne de recevoir cette sincérité de ses créatures, et nous faisons partie d'elles, et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous compte parmi les sincères et ceux qui suivent la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.